Je suis Birdie Odette. J'ai traversé moi aussi des siècles de famille, de lignées, de filiations emmêlées et de tables de repas où l'on partage le pain plus facilement que les silences. J'ai vu des familles soudées, comme des mécanismes d'horlogerie, et d'autres tenir par habitude, par nécessité ou par amour discret. Dans cet épisode, je vous propose que nous parlions des configurations familiales, la manière dont la famille est organisée en simplifiant. Ce détour nous permettra ensuite de mieux comprendre comment ces configurations pèsent sur la socialisation et sur les trajectoires de vie. Pour éclairer cette idée, je vais utiliser une analogie volontairement très terre-à-terre, la configuration d'un ordinateur. Pourquoi ce détour par la machine ? Parce qu'il rappelle une chose essentielle en sociologie. Ce qui compte n'est jamais un élément isolé, mais l'agencement de l'ensemble. Quand on parle de la configuration d'un ordinateur, on ne dit jamais simplement « c'est un ordinateur ». On s'intéresse à ce qu'il contient, à la façon dont ses pièces sont assemblées et au système d'exploitation qui lui permet de fonctionner. Un ordinateur n'est pas un objet posé sur un bureau. C'est une combinaison de composants, de logiciels et de réglages qui rendent certains usages possibles et en interdisent d'autres. Deux machines presque identiques peuvent ainsi mener des vies très différentes. Les sciences sociales se posent, au fond, une question du même ordre. Le terme de configuration est notamment associé aux travaux de Norbert Elias. Pour lui, une configuration n'est ni une simple addition d'individus, ni une structure immobile. C'est un entrelacs de relations d'interdépendance entre des personnes qui se transforment avec le temps. Autrement dit, on ne comprend jamais un individu seul. Un enfant, par exemple, n'est jamais seulement un enfant. Il est le fils ou la fille de quelqu'un, le frère ou la sœur d'un autre, pris dans des relations d'autorité, d'affection, de dépendance matérielle, juridique et parfois symbolique. Appliquée à la famille, cette manière de voir conduit à parler de la configuration familiale. Attention, ici, pas de morale. Il ne s'agit ni de juger, ni de classer les familles. Il s'agit simplement d'en décrire l'architecture de base, comme on observerait une machine avant même de l'allumer. Concrètement, la configuration familiale repose sur quelques éléments simples. Le nombre d'adultes présents, la présence et le nombre d'enfants, les liens de filiation et d'alliance, les formes d'organisation familiale, monoparentalité, recomposition, garde alternée. Ces configurations dessinent des architectures différentes. Elles n'offrent ni les mêmes contraintes, ni les mêmes marges de manœuvre. Deux ordinateurs configurés différemment peuvent donner lieu à des usages différents, à deux destinées technologiques distinctes. Par exemple, la bureautique d'un côté, le jeu vidéo de l'autre. La question du sociologue est analogue. Deux familles configurées différemment produisent-elles des destinées différentes, notamment pour les enfants? Reste alors une question essentielle. Que fait-on des normes, des valeurs, des croyances? Dans l'analogie, elle ressemblerait au système d'exploitation, Windows ou Linux. Mais en sociologie, on les dissocie le plus souvent de la configuration familiale elle-même. On parle de familles monoparentales, recomposées, nombreuses, mais beaucoup plus rarement de familles monoparentales, bourgeoises ou populaires, de familles recomposées, bourgeoises ou populaires. Et c'est, il faut bien l'avouer, une petite cécité du regard sociologique. Dit plus simplement, cela n'est pas véritablement étudié et c'est dommage. Enfin, il faut rappeler un point fondamental. Une configuration familiale n'est jamais figée. Comme une machine que l'on met à jour ou que l'on répare, la famille se transforme. Séparation, recomposition, déménagement, perte d'emploi, deuil ou ascension sociale modifient l'équilibre initial. La famille est une configuration dynamique inscrite dans des trajectoires de vie. Si je devais conclure provisoirement, je dirais ceci. Parler de configuration familiale, c'est simplement se donner un outil pour comprendre comment une architecture relationnelle donnée produit des contraintes, des ressources et des possibles différents. Et cela permet de poser la question suivante : comment se construisent socialement, dans le monde moderne, les trajectoires de vie ?